soyons clairs, le Nirvana qui vient d'introduire notre 170e Pop and Rock n'est là que pour vous racoler, pour vous rassurer, afin que vous osiez rester avec nous, mais la programmation de ce soir sera moins consensuelle. Des Slifermords aux Lignanas, vous risquez de vous demander ce que vous écoutez, alors nos soussailles. On fera aussi dans le rassurant en vous envoyant quelques tubes comme ceux de Red Hot, mais pour le moment, première découverte du soir avec Sorry et le titre Perfect. Il y a bien longtemps, la radio Le Move, mais aussi et peut-être surtout Wii FM, remplissait les ondes de rock alternatif H24. Ouais, mais voilà, c'était avant. Maintenant, il faut gratter et chercher pour trouver l'alternative. Alors, tel le Colibri, Pop and Rock sur la très locale radio Val de Rhin fait sa part. Et c'est Bob Mould, un de nos classiques ici, qui par une triplette, non, Nida, pas celle de Belleville, c'est donc Bob Mould qui va créer donc notre alternative rock dans Pop and Rock sur RVR. Trail of pain. Le Bob Mould donnez-lui 2 minutes 19 et l'ex-chanteur de Husker Du vous rend épileptique. Mais Bob Mould, c'est aussi Forecast of Rain qui arrive et les 2 minutes 29 qui suivent sont à déguster. Profitez, pas sûr que vous puissiez profiter ailleurs qu'ici du Bob Mould. Dans la ville d'Aberdeen, dans l'état de Washington, un petit gabelon instable écoutait à la fin des années 80 Husker Du, le premier groupe donc de Bob Mould. Ce petit gars, il nous a offert quelques disques, mais pas sûr que vous reconnaissiez du premier coup. Pourtant, cette petite ligne de basse, ça doit vous dire quelque chose. Kurt Cobain a chanté mais ne chantera plus Blow. Alors pour se consoler, on se remet un petit Nirvana, mais cette fois en live acoustique. Et nous passons tout doucement vers la seconde partie de notre pop and rock et j'aurais dû envoyer un Brian Johnston massacre, oui. Mais voilà, quelques semaines, j'ai assisté au live de leurs potes des Liminianas. Et en première partie d'Illuminanas, il y avait Parlor Snacks. Foncez sur la page Facebook de Pop'n Rock sur RVR, vous y trouverez 4 vidéos captées ce soir-là, au Mardi du Grand Marais. We'll be right back. Eugène et Peter, la Parigotte et le New Yorkais, vu le 29 mars au Mardi du Grand Marais, quelle belle confirmation que de trouver sur scène mieux encore que leur version studio. Mais trêve de discours, oublions tout avec les buveurs barbus de Bud de West End Motel. Radio Val-de-Rhin, on n'est pas franchement des fans de l'oncle Sam, il faut dire qu'on adore malgré tout Alex Mas. Thank you. Si vous écoutez régulièrement Pop and Rock, vous avez peut-être reconnu Alex Mas avec son fameux Keep Your Balance. Par contre, le Tigna qui arrive, jamais je ne vous l'avais encore programmé. Design or a mistake, seems like God's plans are gonna take a thousand years, then people change. So what's this right now? I feel I am insane. What's this right? Si vous êtes toujours là à nous écouter, c'est que vous êtes des héros des temps modernes et vous avez résisté à la diffusion de 12 titres dont la plupart doivent vous paraître bien étranges. Mais c'est le prix à payer pour échapper aux effets nauséabonds du monde stéréotypé que pourtant nous allons rejoindre le temps de The Red Hot Chili Peppers. A lazy rain am I, the skies refuse to cry, cremation takes its piece of your supply. The night is dressed like noon. A sailor spoke too soon. And China's on the dark side of the moon. Hit me now. The secret life of Rue, a personality I never knew. a sailing on a censorship, riding on a hitless horse to make the trip. Et sûr que ce nouveau Red Hot sera 100 fois mieux sur scène, comme c'est le cas du titre qui arrive. L'Angleterre de Thatcher a cassé dans les années 80 une multitude de mouvements ouvriers, des dockers aux mineurs, mais elle a permis aussi l'apparition de groupes qui, aujourd'hui, lui cracheraient encore certainement dessus. Sleaford Mods avec Nudge It. Dans ce titre des post-punk indus des Sleaford Mods, on a vu la petite Amy Taylor chanter, participer, et j'en suis ravi parce que Amy fait partie de notre bande pop and rockienne depuis des mois, et c'est d'ailleurs avec ses Sniffers qu'elle va refermer notre pop and rock qui, je l'espère, vous aura fait du bien. Alors sur ce, rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et bis à tous.